Les médecins comme il faut ne parlent jamais médecine. Les vrais nobles ne parlent jamais ancêtres. Les gens de talent ne parlent pas de leurs œuvres, dit Josepha. Pourquoi parler de notre état ? J'ai fait faire relâche à l'opéra pour venir. Ce n'est pas certes pour travailler ici. Ainsi ne posons point, mes chers amis. On te parle du véritable amour, ma petite, dit Malaga, de cet amour qui fait qu'on s'enfonce, qu'on enfonce père et mère, qu'on vend femmes et enfants, et qu'on va d'à Clichy. Causez alors, reprit la cantatrice, connais pas. Connais pas. Ce mot, passé de l'argot des gamins de Paris dans le vocabulaire de la Lorette, est à l'aide des yeux et de la physionomie de ces femmes, tout un poème sur leurs lèvres. Je ne vous aime donc point, Josepha, dit tout bas le duc. Vous pouvez m'aimer véritablement, dit à l'oreille du duc la cantatrice en souriant. Mais moi, je ne vous aime pas de l'amour dont on parle, de cet amour qui fait que l'univers est tout noir sans l'homme aimé. Vous m'êtes agréable, utile, mais vous ne m'êtes pas indispensable. Et si demain vous m'abandonniez, j'aurais trois ducs pour un.